Kanyangi. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition, la dernière de ce 10 septembre, dont voici les grandes articulations. À une semaine de la rentrée scolaire 2023-2024, la commune scolaire de Kayanza manque encore plus de 2000 bancs pupitres. En commune Bugabira de la province Kirundo, on vous parlera d'un manque criant d'eau potable. Et la République démocratique du Congo avance sur son projet d'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par Eric Wiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Oh bonsoir, la population de la commune de Bugabira en province de Kirundo signale qu'elle connaît un problème grave de manque d'eau potable. L'administrateur communal de Bugabira précise que sur les robinets, ils peuvent avoir une petite quantité d'eau une fois la semaine. D'autres se contentent des eaux des ruisseaux et des lacs. L'administrateur de cette commune demande la mise en exécution du projet du gouvernement, un projet d'adduction d'eau potable en cette circonscription. Pour se prévenir contre les maladies liées à la saleté. Le point avec Abraham Safari. La question d'eau potable devient très épineuse en commune de Bugabira, province de Kirundo. Comme le fait savoir la population de cette commune, ils sont presque oubliés au moment où ils avaient eu la promesse de la part du président de la République lors de sa descente en cette commune au mois de mars passé. Ici, il a d'ailleurs apprécié négativement le fait d'avoir été menti que l'eau est déjà en abondance en cette commune, que l'Agence burundaise de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu rural avait déjà terminé l'adduction d'eau potable. L'administrateur de cette commune, Eric Twizelimana, signale que dans des robinets publics, ils peuvent avoir de l'eau une fois la semaine. Pour ceux ayant les moyens, continue cette autorité, ils achètent un bidon de 20 litres entre 700 à 1000 francs. Ceux qui n'ont pas de moyens, ils se contentent à boire l'eau de ruisseaux et des lacs, ce qui fait que pas mal de gens sont attrapés par des maladies liées à la saleté, entre autres les maladies diarrhéiques, les vers intestinaux et autres. Il demande que le projet d'adduction d'eau potable en cette commune soit achevé, comme l'a promis le président de la République. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. De Kirundo, rendons-nous en province Ruyigisa à l'est du Burundi pour parler justice transitionnelle. Trois hommes ont publiquement demandé et obtenu le pardon ce dimanche pour les personnes qu'ils ont tuées lors de la crise de 1993. Pasteur Eli Nahimana, commissaire à la commission Vérité et Réconciliation Sévère, demande aux autres diocèses à prendre l'exemple du diocèse catholique de Ruyigi en initiant des projets de vérité et réconciliation. De sa part, l'évêque du diocèse de Ruyigi, Blaise Nzeimana, demande aux victimes des torts de mettre en avant la réconciliation. Cela s'est passé ce dimanche à la paroisse catholique de Kinyinya dans la province Ruyigi lors du 19e festival de justice et paix organisé par la commission diocésaine de justice et paix de cette province de l'est du Burundi. Parlons éducation à présent. La direction provinciale de l'éducation en province Kayanza demande aux responsables des écoles, surtout privées, de ne pas exiger aux parents d'élèves l'achat des uniformes scolaires de leurs enfants au niveau des établissements scolaires. Désiré Hatungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, dit avoir pris cette décision après que certains des parents aient grogné qu'ils payent beaucoup d'argent pour l'achat de ces uniformes scolaires. Suivez-le au micro de Patrick Sengiyumva. Dans ces derniers temps, il y a des responsables qui exigent les parents d'élèves d'acheter les uniformes de leurs enfants au niveau de l'école. Le problème a été élevé parce que nous avons pris une mesure interdisant les responsables scolaires de vendre ses uniformes à l'école, plutôt de donner la couleur aux parents pour que les parents puissent s'acheter eux-mêmes les uniformes pour les enfants au marché. Le problème a été donc vidé, même si nous observons souvent des écarts de comportement de la part de certains responsables. En ce qui est des écoles privées, je dois vous dire qu'il y a quand même une certaine réglementation concernant ces écoles. En ce qui est de l'uniforme, les responsables de ces écoles privées s'entendent avec les parents d'élèves pour ce qui est de uniforme et surtout ce qui est de la qualité et de la couleur. Pour couper court avec ces écarts de comportement, je demande aux responsables scolaires de se référer à la loi dans toutes les manières de faire, dans toutes les décisions qu'ils prennent, de veiller au respect de la loi. Désiré Hatungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza. Restons dans cette province. Le besoin en bancs pupitres pour l'année scolaire prochaine est estimé à 2500 communes scolaires de Kayanza. Délan Nizigimana, directeur communal de l'éducation, salue l'initiative de l'administration communale d'octroyer 1000 bancs pupitres pour cette année scolaire et demande l'intervention du gouvernement, des natifs de la commune et des autres bienfaiteurs afin que les élèves puissent s'asseoir confortablement. Les détails avec Patrick Nsengiyoum. Selon des informations fournies par le directeur communal et de l'éducation à Kayanza, vers la fin de l'année scolaire passée, la commune scolaire Kayanza souffrait d'un manque de 4900 bancs pupitres, mais que parmi ceci, le ministère de l'Éducation a pu donner 1075 bancs pupitres et que l'administration communale de Kayanza promet de donner cette année scolaire prochaine environ 1000 autres bancs pupitres. Toutefois, Adeline Izigama, directeur communal de l'éducation en commune de Kayanza, indique que la commune scolaire qu'il dirige souffre encore de 2500 bancs pupitres afin que les élèves puissent s'asseoir confortablement l'année scolaire prochaine. Contacté au sujet de ce don de 1000 bancs pupitres promis à la DCE Kayanza par l'administration communale de Kayanza, Désiré Nimbona, le conseiller de l'administrateur à Kayanza en charge des services techniques communaux, fait savoir que beaucoup de ces bancs pupitres ont été d'ailleurs déjà fabriqués. Même propos avec Nsagwe Sylvestre, administrateur communal à l'intérim à Kayanza. Il fait savoir que non seulement la commune intervient dans la chambre des bancs pupitres des élèves, mais aussi elle donne les fonds nécessaires pour la préparation des tests d'entraînement aux examens nationaux, la construction de nouvelles écoles, la réhabilitation des anciennes salles de classe ainsi que la construction des blocs sanitaires. Nsagwe Sylvestre, administrateur AU de la commune Kayanza, appelle les natifs de la commune Kayanza à intervenir davantage dans le domaine de l'éducation. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyou va pour la radio Isanganilo. Isanganilo, la radio de l'avenir. Parlons agriculture à 18h39 dans le studio de la radio Isanganiro. L'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Zabou, est en train de multiplier les insectes appelés ennemis naturels afin de les mettre dans des régions déjà attaquées par des insectes. Une précision de la directrice chargée des végétaux au ministère de l'Agriculture, Goretti Tangisha Kalodi, après que des propriétaires de champs fruitiers en zone urbaine de Nyakabiga aient tiré une sonnette d'alarme suite à ces insectes blancs et d'autres noirs. Elle espère que la solution sera trouvée d'ici décembre. On l'écoute au micro d'Arthur Kavarouche. La situation des insectes qui ravagent les plants fruitiers, dont les manguiers, les goyaviers, les orangiers, est connue depuis environ 2 ans et une étude a été faite pour découvrir de quoi il s'agit. Après avoir fait cette étude, on a amené des ennemis naturels venant du Bénin avec l'appui de la FAO en collaboration avec le Minagri. Ces ennemis naturels ont marqué une bonne efficacité, dont jusqu'ici, maintenant, l'ISABO a déjà récolté certains de ces ennemis naturels pour faire l'acclimatation, la multiplication, en fait, de distribuer dans notre région déjà attaquée. Pourriez-vous nous dire le temps que ça va prendre? Comme c'est un projet qui prend beaucoup de moyens et aussi une période pour la multiplication, nous espérons que l'ISABO va nous préciser la date et espérons que cette date sera prochaine. Au mois d'octobre, décembre, ces ennemis naturels seront disponibles pour être lâchés dans d'autres régions qui sont attaquées par cet insecte. Page santé de cette édition, le respect du temps compris entre 25 et 35 minutes que l'infirmier doit consacrer aux patients et revoir la façon dont les patients sont traités durant les jours fériés sont parmi les priorités selon le chargé des projets au sein de l'Association burundaise de défense des droits des malades qu'il a dit vendredi à Gitega lors d'une séance de sensibilisation sur l'éthique et la déontologie du personnel soignant des provinces Gitega, Luigi, Karusi, Mwale, Muramvya, organisé par le ministère de la Santé et le syndicat du personnel soignant. À l'Association des infirmiers du Burundi, ils disent que cela est dû à plusieurs facteurs, notamment le manque de personnel comparé à l'effectif des patients. Le point avec Arthur Kavarouchi. Selon le chargé des projets au sein de l'Association burundaise de défense des droits des malades, ABBDM en sigle, Pierre Nindereye, il y a encore à corriger, comme le respect du temps d'écoute réservé aux patients. L'étude d'aujourd'hui a montré que la qualité de soins et services de santé, elle est à améliorer. Il y a quand même manque, notamment les services pendant les week-ends, les services ne sont pas bons. Même pendant la journée, les premières heures, disons le matin, les services sont à améliorer. Il y a aussi l'insuffisance des structures de soins. Cela entraîne quoi? Le temps que le patient devait passer avec les prestataires de soins est quasiment réduit. À cela, le vice-président de l'association des infirmiers du Burundi, Egide Bigirindavi, précise que cela est dû au manque du personnel soignant, tout en promettant qu'ils vont changer. Nous pouvons dire que quand on essaie de voir ce que l'OMS préconise à ce qui concerne la ration infirmier-patient, voire même tout prestataire de soins-patient, nous remarquons qu'il y a réellement une discordance entre le nombre de prestataires et le nombre de patients. Et cela, des fois, a des conséquences, comme le temps réservé aux patients. Cependant, nous reconnaissons que progressivement, nous devrons améliorer malgré toutes ces difficultés. Cette formation a été organisée par le syndicat SINAPA du personnel soignants ainsi que le ministère de la Santé avec l'appui financier de l'ONG Memisa Belgique. Artu Kava Ushigitega, Radio Sanganiro. De Gitega, en donnant en province Boubanza, l'enregistrement des enfants sous le nom de père inconnu devrait continuer à devenir une loi dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est du moins une demande formulée vendredi par les responsables des services, des administrateurs communaux et les responsables judiciaires lors des échanges avec la commission permanente chargée des questions de genre et relations avec l'Assemblée législative de la communauté est-africaine. Une correspondance est signée, Spes Caritas Kabanyan. L'enregistrement des enfants à l'état civil sous le nom de père inconnu était l'une des discussions au cours de cet échange entre la commission permanente chargée des questions de genre et relations avec l'Assemblée législative de la communauté est-africaine et certains responsables de la province de Boubanza. Les uns disaient que ce genre d'enregistrement père inconnu devrait rester et même devenir une loi afin de protéger les enfants car certaines filles et certaines femmes mettent au monde des enfants et ne parviennent pas à identifier leur père ou encore elles refusent de les dénoncer catégoriquement et ce sont les enfants qui deviennent les victimes car non enregistrés ils perdent certains droits de la scolarité, de soins de santé et autres selon certains administrateurs des communes et les responsables des centres de développement communautaire qui échangeait leur point de vue au cours de cette réunion ce vendredi. Il a été également signalé que certaines filles qui ont des déficiences mentales peuvent aussi mettre au monde sans savoir qu'ils les ont engrossées. Et après avoir enregistré ces enfants de père inconnu, des enquêtes peuvent continuer sur la recherche de la paternité selon les participants à la réunion. Mais par contre, d'autres disaient que l'enregistrement sous le nom de père inconnu causerait des problèmes liées à l'irresponsabilité des parents et au phénomène des enfants de la rue. Pour clore cette édition, la République démocratique du Congo avance sur son projet d'exploitation du gaz et méthane enfoui dans le lac Kivu, situé dans l'est du pays, entre les villes de Goma et Bukavu. Trois sociétés avaient gagné le marché d'exploitation de deux des trois blocs mis aux enchères depuis l'an dernier. Les autorités ont signé hier à Kinshasa un accord de partage de production avec les deux entreprises qui avaient gagné le marché. Le Rwanda voisin, qui exploite déjà ce gaz méthane depuis 8 ans, s'est même doté d'une centrale électrique. Voilà, à 18h45, dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Riku Imana qui a assuré la mise en onde. Très bonne soirée.